Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Hello, bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h, 23h, 2h de mix non-stop, tout ça rien que pour vous, et c'est sur Sorgi FM, et c'est nul par ailleurs. Bonne soirée à vous, voici David Guetta. Oui, hier soir on a commencé par les années 80, les années 70, le disco et tout ça, et là ce soir on va commencer par les années 90. Bons souvenirs des années 90. À suivre après Hysteric Ego. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Love.

le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h, émission KFM. Le mix de Ludo. Come on and try. Now's the time. L'intro est super longue. Le morceau en lui-même déjà est super long. Il reste 10 minutes. Vas-y, c'est Buckethead. The Bomb. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Time. 90, il y avait ça aussi. Le morceau s'appelle Dupe et le groupe qui avait ça s'appelle Dupe. Dupe aussi, voilà. D-O-2-P. D-O-P. Take me in your arms. Don't let go, no, just hold me again. Take me in your arms. keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me and I don't see an easy way to get out of there. Her diary sits on the bedside table. The curtains are closed, the cat's in the cradle. And who would have thought that a boy like me could come to this? On the surface, I'm a name on a list. I try to be discreet, but then blow it again. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no giving or take. Cause I have been thrilled to fantasy one too many times. Goes on and on and on, yeah. vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sanger FM. Thank you. things are meant to be. The part of you that was just awakened. My life with you is a fantasy. I am a prince and you are my king. You say a thing drives sometimes you insane. You think you know good father and so you're ashamed. But all I want is to share your pain. Living the night alone and having fun. Why don't you give me close to you? I'm not anymore looking to you. I wanna feel this part of you. I wanna move my body too. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance alone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. It's a rainy day, yeah, the sun will shine. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sanctuary FM. Maybe. Higher, higher, higher. FM. Passez une bonne soirée. Comme l'a dit le monsieur juste avant, c'est le mix de Ludo jusqu'à 23h. Et c'est le dernier petit quart d'heure. We'll be right back. se planter vers la fin. À l'instant, c'était Sex Alarm avec Sirène. Voici la Daft Punk. Bonne soirée à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo, vendredi et samedi, 21h-23h. D'ici là, passez un bon week-end, faites attention à vous si vous sortez, et puis voilà. Samedi à 21h sur Sorgia FM. Make it, do it. makes us harder, better, faster, stronger. Ludo in the mix, le vendredi et